Rouletabille chez Krupp, chapitre 14, une entrevue dramatique. Ce n'était point par hasard que Rouletabille avait pris la personnalité de Michel Talmar chez Blin et compagnie. Talmar lui-même, qui avait été mis au courant de ce que venait chercher Rouletabille dans ses ateliers, n'avait point trouvé de meilleur passeport à donner au reporter que ses propres papiers, et de lui faire étudier à fond les plans d'une invention dont les Prussiens avaient déjà, en temps de paix, tenté de surprendre le secret. Tout marchait donc à souhait pour Rouletabille, qui avait naturellement promis à Talmar de ne livrer de ses plans que ceux qui seraient utiles à sa propre entreprise, et le lendemain même du jour où le reporter avait accepté les offres de l'ingénieur suisse, nous le trouvons en train de tracer les premières lignes d'un important dessin sous les yeux de Richter dans le petit cabinet qui lui était réservé. Le bruit d'une auto s'arrêtant devant le perron attira l'attention des deux hommes. Richter quitta aussitôt Rouletabille. Par la fenêtre, celui-ci aperçut Helena, qui descendait et qui entrait dans les bureaux. Il y eut dans la pièce à côté une rapide entrevue entre elle et Richter, où il fut question d'un somptueux déjeuner de fiançailles qui devait être donné quelques jours plus tard à Lesnerhof, sous la présidence du général von Berg lui-même, directeur du général commando et oncle de la fiancée. Cette haute parenté devait donner au déjeuner un lustre exceptionnel, et les représentants des États alliés, qui étaient les hôtes de Lesnerhof, et tous en affaires avec le général von Berg, allaient y être conviés. Puis il y eut quelques propos échangés d'une voix sourde dans lesquels on put démêler les noms de Nicole et de Fulbert, et ces mots, la volonté de l'empereur, et enfin ces phrases très nettes, « Non, je n'ai pas eu à sortir Nicole aujourd'hui. Le général, avant de retourner au commando, a voulu la voir en particulier. Je crois qu'il y a quelque chose de nouveau dans l'air. On imagine facilement avec quel intérêt Rouletabille écoutait ce qui se passait de l'autre côté de sa porte, et combien il regrettait que Nicole ne fût point venue avec Helena. Mais le jour suivant, les deux jeunes filles arrivèrent ensemble, toujours suivies du fameux gardien qui les attendit dans le vestibule. Cet homme avait un uniforme spécial, mi-militaire, mi-domestique, de grande maison, et on pouvait le prendre au choix pour quelque ordonnance ou pour un majordome. Rouletabille apprit plus tard que l'administration de l'usine disposait ainsi d'un certain nombre de domestiques, d'apparats, qui étaient mis à disposition des plus hauts personnages étrangers en visite à Essen, et qui au fond ne cessaient jamais d'exercer sur eux une surveillance assidue. Ils appartenaient à la police occulte dont avait parlé la candeur. Helena et Nicole avaient pénétré, selon leur habitude, dans la salle de dessin particulière de l'ingénieur, et bientôt celui-ci fit derrière elle une entrée assez précipitée. Son premier geste fut d'aller à la porte qui ouvrait sur le petit cabinet où travaillait Rouletabille. Il regarda dans ce bureau et constata qu'il était vide. Le reporter, en effet, venait de se jeter dans une armoire où pendaient des blouses à dessin. Richter referma la porte, satisfait, et voici la scène qui se passa. Elle devait avoir sur la suite du récit une telle influence que nous croyons ne pouvoir mieux faire que de donner ici le texte même de Rouletabille, qui en a retracé scrupuleusement les rapides péripéties. J'avais compris tout de suite, raconte le reporter, en apercevant à travers la fenêtre de mon cabinet de travail, le visage étrangement bouleversé de Mademoiselle Fulbert, qu'il devait y avoir, en effet, du nouveau dans son cas, comme l'avait dit la veille Faulenhans, et que ma bonne fortune et aussi l'heureux résultat de mes combinaisons allaient sans doute me permettre d'assister à un événement du plus haut intérêt pour ce que j'étais venu faire à Essen. Quand les jeunes filles furent dans la salle adjacente à mon cabinet, et que j'entendis les pas précipités de l'ingénieur se dirigeant vers ma porte, je n'hésitai point à me dissimuler, et j'eus la joie de le voir refermer cette porte, persuadé que le cabinet était vide. Richter devait me croire en train de travailler dans l'atelier numéro 3, où j'avais à copier certains modèles en cours pour en faire valoir ensuite la différence, à certains points de vue techniques, avec mon modèle à moi. Si bien que je pus entendre en toute sécurité ce qui se passait dans la pièce à côté, et même apercevoir de temps à autre, par le trou de la serrure, les personnages du drame. Richter se promenait de long en large, assez agité. Des deux jeunes filles qui étaient assises au bout de la pièce, je n'apercevais bien que le visage de Nicole, qui reflétait dans l'instant les sentiments les plus hostiles du monde. Jusqu'alors, j'avais été frappé surtout par une physionomie de douleur. Ce jour-là, elle exprimait une fureur concentrée contre ses bourreaux. Autant que j'en pus juger, la pauvre enfant devait avoir bien souffert, et ses forces paraissaient à bout. « Mademoiselle, lui dirige-t-elle, vous savez combien Elena vous aime, elle vous traite comme une sœur. Si vous n'êtes ni plus souriante, ni mieux portante, ce n'est point de sa faute. Et là, Elena vous a annoncé que vous alliez vous trouver, en face de Serge Kanievski. Je vous serai reconnaissant, particulièrement de ne point lui cacher les soins dont vous êtes entouré, et même l'affection qu'on vous porte. Vous ne vous trouvez pas ici chez un ennemi, vous le savez bien, et j'ai toujours eu le plus grand respect pour vos malheurs. Vous êtes ici sur un terrain neutre, chez un ami. J'espère que vous apprécierez également la délicatesse du procédé qui a fait, en haut lieu, choisir ma maison pour une entrevue qui a été accordée aux premières instants de votre fiancé. Vous avez toute facilité et toute liberté pour échanger avec lui ces propos qui sont chers à deux êtres qui s'aiment. Mais par cela même que vous êtes entré à un neutre, vous comprendrez facilement qu'il nous serait impossible de supporter la moindre allusion à des sujets qui auraient un rapport quelconque avec la guerre. Je suis sûr, mademoiselle, que vous m'avez compris, et que je n'aurai pas à me repentir des bontés que nous avons toujours eues, Elena et moi, pour vous. » Après quoi il y eut un silence, puis la voix de Elena se fit entendre. « Nicole sera raisonnable, n'est-ce pas, Nicole ? Répondez-nous, Nicole, il le faut pour nous tous, qui craignons tant pour vous. Il le faut pour votre père, il le faut pour votre fiancé. Qu'est-ce que vous demandons ? De dire à Serge que nous vous traitons comme une amie, et que nous vous soignons de tout notre cœur. Ce n'est pas difficile de dire une chose pareille, qui est vraie, et qui nous fera plaisir à tous. On ne vous demande pas autre chose. » Mais Nicole restait toujours silencieuse. Sa belle tête, ordinairement penchée, s'était cependant redressée, mais ce nouveau mouvement était loin de donner plus de douceur à cette physionomie sauvage. Sur ces entrefaites entrèrent un général, que je suis depuis être le général von Berg lui-même, et un homme qui passa dans le champ de ma vue, et qui me parut tout de suite dans un désordre physique et moral extrême. Je n'eus pas de mal à comprendre que j'avais en face de moi le Polonais, au premier mouvement qu'il fit en apercevant Nicole. Il se jeta à ses pieds. En même temps, le général faisait à Richter et à Elena un signe, et ces derniers quittèrent la pièce. Nicole avait reculé sa chaise devant le mouvement de Serge, mais celui-ci continuait de se traîner vers elle à genoux, sans entendre les objurgations très rudes de von Berg qui lui conseillait d'être raisonnable, s'il tenait à ce que cette entrevue avec sa fiancée fût suivie de quelques autres. Mais l'autre ne faisait que pleurer et gémir et demander pardon, et il voulait embrasser les pieds de Nicole, et il baisait le bas de sa jupe, et il la suppliait de lui dire si elle l'aimait toujours, mais Nicole ne répondait pas, et son visage était de plus en plus dur. En ce qui me concerne, c'est Rouletabille qui parle, je ne pouvais m'empêcher de me demander, en face de cette double attitude, s'il n'y avait point là-dessous une grande part de comédie, destiné à bien faire comprendre au général qu'il n'avait pas été trompé et que Lézine possédait entièrement tout le secret de la Titania. Certes, il devait y avoir quelque chose comme ceci, mais je dus aussitôt me rendre à cette autre évidence que l'hostilité de Nicole était trop réelle pour ne s'adresser qu'à un homme qui n'aurait fait encore que le simulacre de trahir. Elle visait certainement un homme qu'elle savait capable de trahir et prêt à trahir tout à fait, toujours pour l'amour d'elle. Que Serge fût prêt à cela, je n'en pouvais pas douter plus que Nicole elle-même, et plus que Fulbert. Se rappeler la confidence de Fulbert à Malais, rapportée par Nori. Et telle était ma pensée, parce que les larmes sincères que le Polonais versait dans le moment, et son désespoir nullement fictif n'aurait pu se rapporter à un faux crime passé, tandis qu'il se comprenait parfaitement avec le crime vrai qui se préparait. De telle sorte que le général pouvait être trompé sur le sens du pardon demandé par le Polonais, à sa fiancée, mais ni Nicole ni moi ne prenions le change. Serge allait être acculé à la vraie trahison, et il trahirait. Toujours en ce qui me concerne, je suis obligé de suivre ici, pas à pas, les étapes de mon raisonnement. L'inouï bouleversement d'âme dont faisait preuve le Polonais attestait que le moment où tout allait se découvrir, c'est-à-dire où il allait être obligé de trahir pour sauver Nicole, ne pouvait être plus très éloigné, car un pareil débordement ne se serait point compris si le Polonais avait disposé encore de quelques mois de mensonges. Tant pleura le Polonais, et tant s'endurcit le visage de Nicole, que le général von Berg trouva rapidement que cette conférence avait assez duré. Il releva quasi de force Serge en le prenant par le col de son paletot et lui dit « je vous avais promis une entrevue avec Mademoiselle Fulbert. Vous l'avez eue. Vous avez pu constater que Mademoiselle Fulbert est aussi bien portante que possible, et elle vous dira elle-même qu'elle est soignée comme une sœur par Mademoiselle Hans. N'est-ce pas, Mademoiselle? Ceci, vous pouvez le dire. En vérité, c'est votre devoir de le dire. Mais Mademoiselle Nicole continua de ne rien dire du tout. Alors Serge retomba à genoux comme un fou qu'il était. « Tu n'auras donc pas pitié de ton cierge, râlait-il. Mais parle donc, réponds-moi, réponds-lui à lui. Dis-moi qu'on te soigne, dis-moi que tu ne souffres plus. Oh, Nicole, dis-moi que tu ne souffres plus. » Et des pleurs, et des pleurs. « Les misérables t'ont tant fait souffrir. Je ne veux plus que tu souffres. Tu me détesteras, tu me maudiras, mais tu ne souffriras plus. Je ne veux pas qu'on te martyrise, moi. » Non, non, je ne veux pas. Je n'ai pas pu résister, vois-tu, à une chose pareille. Ton martyr, ma Nicole torturée. Ah, la fin du monde. Plutôt, la fin du monde. Qu'est-ce que me fait le monde à moi? Qu'est-ce que me font Paris et toutes les villes de la terre? Je ne veux plus te voir, comme je t'ai vu sur un misérable grabat au fond d'un cachot. Je ne veux plus t'entendre soupirer de douleur, ma Nicole, dis-moi quelque chose. Tiens, maudis-moi, mais que j'entende le son de ta voix. Si tu savais, si tu savais. Ils m'ont montré des photographies, des monstres, des photographies atroces de pauvres prisonniers russes qu'ils ont martyrisés en Pologne, des membres rompus, des seins arrachés par des tenailles brûlantes, toutes les horreurs de l'enfer, et ils m'ont dit que tout cela t'était réservé. Alors comprends. Je n'ai pas pu, je ne peux pas, je ne peux pas, mon Dieu, je ne peux pas, non, non. » Et le malheureux, dans une crise effrayante, ayant été repoussé du pied par Nicole, se releva en titubant et me montra sa face de démon que je n'avais pas encore aperçue. Effroyable vision. La hideur et la douleur s'étaient réunies pour faire de ce masque la chose la plus tragique et la plus épouvantable à regarder qui se pût concevoir. Ah, qu'il était laid, cet homme, et qu'il souffrait, comme il faisait pitié. Toute ma vie, j'aurais la crispation atroce de cette horrible et magnifique hideur dans les yeux. Toute ma vie, j'aurais ces pleurs lamentables, ces gémissements désespérés dans mes oreilles. Il se releva en s'arrachant les cheveux et en s'écriant. Si encore je pouvais mourir, mais je ne peux pas mourir. Oui, ils m'ont encore trouvé cela. La mort elle-même m'est défendue. La mort ne veut pas de moi. « Tu ne sais pas, toi, tu ne sais pas si je meurs avant d'avoir mené à bien leur pauvre maudite. Ils m'ont promis de te brûler à petit feu, entends-tu ?» Ici, un rire effroyable, et tout à coup, j'eus la terreur, en face d'un pareil désespoir et d'une semblable folie. La terreur qui lui déjà parlé, qui lui tout livré, tout dit, sensation qui me brisa les jambes, et me fit m'accrocher, haletant, à cette porte derrière laquelle se passait le plus grand drame de la terre. Nouvelle étape de mon raisonnement, nouvelle illumination de ma cervelle en flamme. Et cette sensation, je pensais immédiatement que Nicole avait dû la ressentir également, car elle, dont on n'avait pas encore entendu la voix jusqu'alors, se leva tout à coup dans un mouvement des plus passionnés et lui jeta « mille morts pour moi et pour toi et pour mon père plutôt que ton crime ». Et elle tenta de s'accrocher à lui pour lui jeter encore « je me laisserai mourir de faim ». Je me laisserai, mais elle n'avait pas le temps de continuer. Le général von Berg, qui avait eu sans doute des raisons de laisser s'épancher le désespoir du Polonais, s'était rué sur Nicole dès qu'il l'avait entendu, et avec une brutalité sans nom, il la traîna jusqu'à ma porte et la jeta dans la petite pièce où j'étais réfugié, et qu'il croyait naturellement déserte. Moi, je n'avais pris que le temps de m'aplatir contre la muraille. Il ne me vit pas et referma la porte à clé. Dans le même moment, je l'entendis qui appelait le gardien dans le vestibule et qui lui donnait l'ordre de rester devant cette porte, et il s'éloigna avec le Polonais qui emplissait la maison de ses cris de démon. Quant à moi, j'étais déjà penché sur le corps étendu Nicole, à demi évanoui, et j'eus tôt fait de la faire revenir complètement à elle en lui disant « Je suis venu ici pour vous sauver, j'ai vu votre mère, je suis venu ici envoyé par le gouvernement français pour vous sauver, pour sauver Paris de la Titania ». Elle se redressa comme mue par un ressort, puis, me brûlant les yeux de son regard d'acier sombre, « Il n'y a qu'une façon de nous sauver tous, me souvient-elle, c'est de me tuer. Quand je serai morte, l'autre ne dira plus rien, puisqu'il n'aura plus la crainte qui me fasse souffrir. Tuez-moi donc, monsieur. Si vous avez une arme, tuez-moi, et je serai sauvé. Moi, j'ai essayé plusieurs fois, mais il veille, il ne me quitte pas la nuit dans ma chambre. Il y a toujours une vieille femme qui ne ferme jamais les yeux. Il me force à prendre la nourriture quand je la refuse. Par le Seigneur Dieu, s'il n'y a pas une arme ici, il y a bien un clou pour me pendre. Dépêchez-vous, car ils vont pas me laisser seul longtemps. J'avais toutes les peines du monde à empêcher de parler, de délirer, et cependant mon poing sur sa bouche étouffait, écrasait la moitié de ses phrases insensées. Enfin, je pus la maîtriser. Croyez-vous qu'il ait déjà livré le secret du gouvernail compensateur, demandai-je. À ces mots précis, il reconquit tout son sang-froid. Non, mais c'est comme si c'était déjà fait, vous avez entendu le pauvre fou. Quand le moment sera venu, il ne leur résistera pas. S'il n'a pas déjà parlé, il n'y a encore rien de perdu, fis-je. Mais il va parler, vous n'avez donc pas compris cela, son délire? Mais si, mais dans combien de temps devra-t-il parler? Il devra parler le 21 de ce mois, et nous sommes le 6, il devra parler dans 15 jours. Suffoqué par ces chiffres auxquels j'étais loin de m'attendre, je balbutiais. Mais il n'est pas possible qu'ils aient eu le temps de construire la Titania. Elle m'interrompit. Certes, pas la grande Titania, qui ne sera pas achevée avant 3 mois. Mais il s'agit d'un petit modèle qu'ils se sont décidés à mettre en chantier parallèlement à la grande Titania, et qui sera prêt à être expérimenté dans 15 jours, et peut-être même que Serge devra parler avant. Je vous dis qu'il n'y a plus aucun espoir. Je connais Serge. Son amour pour moi tient de la plus sombre folie et se nourrit de la haine qu'il a pour tout le reste du genre humain. Je vous dis que nous nous sommes perdus si vous ne me tuez pas. Mademoiselle, déclarai-je alors, je vous jure, moi, que si je ne vous ai pas tous sauvés dans 10 jours, je vous tuerai. Vous, de cette main qui ne tremblera pas. Et je vous affirme que je trouverai bien le moyen de parvenir ensuite jusqu'à Serge Kanievski pour lui dire « Elle est morte pour que vous ne parliez point. » Alors cette admirable fille me dit, en me regardant bien dans les yeux, « Faites l'une de ces deux choses-là, sauvez-nous ou tue-moi, et vous serez béni. » Ce quoi elle fit le signe de la croix, mais j'avais saisi une feuille de papier et un crayon, et je lui dis, « Écrivez ceci. Mon Serge bien-aimé, je suis morte pour que tu ne parles pas, et signé. » Elle écrivit d'une main ferme et signa. Je mis le papier dans ma poche. « Comment vous appelez-vous » me demanda-t-elle encore à voix basse. Je lui répondis. « Je m'appelle Michel Talbar pour tout le monde, ici, mais pour vous, je suis Rouletabille. » J'entendis alors la porte qui s'ouvrait. C'était le général Von Berg, l'ingénieur Richter, l'ingénieur Hans et sa fille qui venaient chercher Nicole. Je me rejetai dans ma cachette. Quant à elle, elle se prépara raisonnablement à les suivre, mais les forces lui manquèrent, et il fallut l'emporter.